Tout le jour, nous courons sur la mer, voile pleine. Le soleil se couchait, et c'était l'heure où l'ombre emplit toutes les rues, lorsque nous atteignons la passe et les courants profonds de l'océan, où les Kimmeriens ont leur pays et ville. Ce peuple vit couvert de nuées et de brumes, que jamais n'ont percé les rayons du soleil, ni durant sa montée vers les astres du ciel, ni quand du firmament il revient à la terre. Sur ces infortunés pèse une nuit de mort. Arrivés dans ce lieu, nous tirons le vaisseau sur le bord du courant. Nous en sortons les bêtes, et longeant l'océan, nous allons à l'endroit que m'avait dit Circé. Quand j'ai fait la prière et l'invocation au peuple des défunts, je saisis les victimes. Je leur tranche la gorge sur la fosse, où le sang coule en sombre vapeur, et du fond de l'érèbe, je vois se rassembler les ombres des défunts. C'est alors que survint l'ombre de feu ma mère, d'Anticléa, la fille du fier Autolycos, que j'avais, au départ vers la Saint-Ilion, laissée pleine de vie. À sa vue, la pitié emplit mes yeux de larmes. Hélas, malgré mon deuil, je devais l'empêcher de s'approcher du sang, tant que Tirésias n'aurait pas répondu. Mais son ombre survient, tenant le sceptre d'or, et me reconnaissant, Tirésias de Thèbes m'adresse la parole. « Fils de Laërte, écoute, ô rejeton des dieux, Ulysse aux mille ruses, pourquoi donc, malheureux, abandonner ainsi la clarté du soleil et venir voir les morts en ce lieu sans douceur? Allons, écarte-toi de la fosse, détourne la pointe de ton glaive, que je boive le sang et te dise le vrai. » Il dit. Je m'écartai et remis au fourreau mon glaive à clous d'argent. Il vint boire au sang noir, puis se devint parfait, me parlant en ces termes. « C'est le retour plus doux que le miel, noble Ulysse, que tu veux obtenir. Mais un dieu doit encore te le rendre pénible, car jamais l'ébranleur du monde, je le crains, n'oubliera sa rancune. Il te hait pour avoir aveuglé son enfant. Et pourtant, il se peut qu'à travers tous les maux, vous arriviez au terme, si tu sais consentir à maîtriser ton cœur et celui de tes gens. Aussitôt qu'échappez à la mer violette, ton solide vaisseau vous mettra sur les bords de l'île du Trident. Vous trouverez, paissant, les vaches du soleil et ses grasses brebis. C'est le Dieu qui voit tout, le Dieu qui tout entend. Respecte ces troupeaux, ne songe qu'au retour. Et je crois qu'en Ithaque, à travers tous les maux, vous rentrerez encore. Mais je te garantis, si vous les maltraitez, que c'est fini de ton navire et de tes gens. Tu pourrais t'en tirer et revenir, mais quand ? Et dans quelle misère! Tous tes hommes perdus, sur un vaisseau d'emprunt, et pour trouver encore le malheur au logis, pour y voir des bandits te dévorer tes biens, et, le prix à la main, te courtiser ta femme. Voilà ce que me dit le roi Tirésias, et son ombre rentra au logis de l'Hadès. Il était arrivé au bout de ses oracles. Mais moi, je restai là, attendant que ma mère vînt boire au sang fumant. À peine eut-elle bu qu'elle me reconnut, et dit en gémissant ces paroles ailées. « Mon fils, tu vis encore? Après un si longtemps, voguant à l'aventure, ne fais-tu qu'arriver ici de la Troade? Tes gens et ton vaisseau ne t'auraient pas encore ramené à Ithaque? Tu n'aurais pas revu ta femme en ton manoir? » À ces mots de ma mère, aussitôt je réponds. « Ma mère, il m'a fallu naviguer vers l'Hadès, pour demander conseil à l'ombre du devin Tirésias de Thèbes. Non, je n'ai pas encore touché en Achaïe. Je n'ai pas encore mis le pied sur notre terre. Je continue d'errer, de misère en misère, depuis le premier jour que le divin Atride nous emmena vers Ilion la Poulinière combattre les Troyens. Mais, voyons, réponds-moi sans feinte, point par point. Quelle part que t'as prise et couchée dans la mort? Fût-ce après un long mal? Fût-ce une douce flèche dont la déesse à l'arc, Artémis, vint abattre? Parle-moi de mon père, et parle-moi du fils que j'ai laissé là-bas. Mon pouvoir leur est-il resté? Ou passa-t-il entre mains étrangères, le jour que l'on cessa de croire en mon retour? Et dis-moi les pensées, les projets de ma femme. Est-elle demeurée auprès de notre enfant? Sait-elle maintenir tous mes biens sous sa garde? Ou déjà, pour époux, aurait-elle choisi quelque noble achéen? Je dis, et cette mère auguste me répond, elle te reste encore, et de tout cœur fidèle, toujours en ton manoir, où sans trêve, ces jours et ces nuits lamentables se consument en larmes. Ta belle royauté reste toujours sans maître, mais Télémaque exploite en paix votre apanage. Ton père vit au champ, sans plus descendre en ville. Le chagrin de son cœur va toujours grandissant, et son triste désir de te savoir entrer, tandis qu'avec les mots, la vieillesse lui vient. Et moi, si je suis morte, ce n'est pas autrement que j'ai subi le sort. Non, ce n'est pas l'archère infaillible, Artémis, qui de sa douce flèche au manoir vient m'abattre. Ce n'est pas la langueur, ce n'est pas le tourment de quelque maladie qui me fit rendre l'âme. C'est le regret de toi, c'est le souci de toi, c'est, ô mon noble Ulysse, c'est ta tendresse même qui m'arracha la vie à la douceur de miel. Elle disait, et moi, à force d'y penser, je n'avais qu'un désir, serrer entre mes bras l'ombre de feu ma mère. Trois fois je m'élançai, tout mon cœur la voulait. Trois fois, entre mes mains, ce ne fut plus qu'une ombre ou qu'un songe envolé. L'angoisse me poignait plus avant dans le cœur. Je lui dis, élevant la voix, ces mots ailés, « Mère, pourquoi me fuir lorsque je veux te prendre? Que du moins chez Hadès, nous tenant embrassés, nous goûtions à nous deux le frisson des sanglots. La noble Perséphone, en suscitant ton ombre, n'a-t-elle donc voulu que redoubler ma peine et mes gémissements? » Je dis, et cette mère auguste me répond, « Hélas, mon fils, le plus infortuné des êtres, non, la fille de Zeus Perséphone n'a pas voulu te décevoir, mais pour tous, quand la mort nous prend, voici la loi. Les nerfs ne tiennent plus, ni la chair ni les os. Tout cède à l'énergie de la brûlante flamme. Dès que l'âme a quitté les ossements blanchis, l'ombre prend sa volée et s'enfuit comme un songe. Mais déjà, vers le jour, que ton désir se hâte. Retiens bien tout ceci pour le dire à ta femme, quand tu la reverras. » Or, pendant qu'entre nous s'échangeaient ces discours, les femmes survenaient, que pressait de sortir la noble Perséphone, et c'était tout le flot des reines et princesses. De combien de héros mes yeux virent alors les femmes et les filles? Comment vous les nommer et les dénombrer toutes? Auparavant, la nuit divine aurait passé. Il est temps de dormir, soit que j'aille au vaisseau auprès de l'équipage, soit que je reste ici, mais que les dieux et vous songiez à mon retour. Il dit, tout se taisait dans l'ombre de la salle, et tenu sous le charme, il gardait le silence.